soir je baisse pas, je caresse son clito puis c'est parti. Ton équipe elle pèse pas, et on s'enquête les stats, c'est pas fini. Capri a trottisé l'un, je suis rapta, rabat. Même si les decks chabaient, Capri roule quand même la batte. Nous on te fait coller en acapella. On maîtrise la langue comme maître Capello. Je suis pas du genre à fumer perso. Sur Lyon t'es personne, je suis du genre à fourrer des ninas sans capot. Full camo, ta gossap chez les pièces et en amont. C'est mieux qu'elle parle euro, nous on veut le mago. SO samouraï, SO je suis dans le mago. On magouille dans des affaires, on voudrait rapporter gros. Aux States les craquettes juste pour une dose. En France les claquettes juste pour une interview. On écrit des bangers, t'écris de la prose. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Nina veut du sexe et elle veut des sous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Mon clan pousse le lin plutôt que de se mettre sous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Lyonzon tu sais que c'est nous, c'est pas vous. Nina veut du sexe et elle veut des sous. Seul de mes gars en vaut mille. Fatigué juste en voyant vos mines. Le dress code, j'm'en branle, j'suis en survêt. J'la vois maintenant sur des mains. Son corps du mine dans le sang. Fayad s'y ressent. Bec, bec, la boîte fait une augmente. J'me sens archi pauvre. J'me sens millionnaire. Là j'veux qu'on pilote sur. On est monté au-dessus. C'est les onzons, c'est l'empire. On fait la même empire. Et j'sais pas ce qu'on va en tirer. Et j'sais pas ce qu'on va en tirer. C'est pas la tendance fils, vite, il faudra mon pendentif. J'suis dans la colonne VIP, mais le son est donatif. Viens pas dans nos affaires, viens pas dans nos affaires. Viens pas dans nos affaires, viens pas dans nos affaires. C'est pas la tendance fils, vite, il faudra mon pendentif. J'suis dans la colonne VIP, mais le son est donatif. Viens pas dans nos affaires, viens pas dans nos affaires. Viens pas dans nos affaires, viens pas dans nos affaires.